Astounded. C'est l'étonnante reprise de Curtis Mayfield par les frappadingues canadiens de Bran Van 3000. À la différence des milliardaires qui, eux, selon le magazine Forbes, ne sont que 1011. Il y a quand même 3 ou 4 chiffres que j'ai retenus et qui m'ont fasciné. Il y a, paraît-il, aujourd'hui dans le monde, 30 sociétés, dont la vôtre, qui totalisent à elles seules un chiffre d'affaires annuel de 1000 milliards de dollars. Et alors ? Une puissance aussi colossale, concentrée dans si peu de mains, ça fait peur. Eh bien, à 11h11, n'ayez pas peur, puisqu'il est temps de te vautrer confortablement afin que nous amorcions ensemble les modestes péripéties laïques de ce 196e épisode du Mangin Palace. Alors, débutons immédiatement avec notre petite session freudienne en compagnie de Monsieur Divan Beaujolais qui, ce matin, se prive des actualités politiques en raison du scrutin des élections régionales. Néanmoins, le fieffé sacripant de nos coursives a trouvé matière à mouliner. Ainsi, nous allons croiser ici, dans l'ordre, une céréale empoisonnée, puis les affronts de la perfide Albion et enfin, un lion affamé. Allez, en route maestro, tends bien l'oreille, ainsi soit-il. Cette histoire est tirée de faits réels. Une histoire hallucinante, dans tous les sens du terme. Cette histoire remonte à 1951. C'est rien que des machins d'époque, des trucs vachement vieux. Les Inrocks ont exhumé une archive INA de l'époque. Vous pouvez vérifier. La paisible petite ville de Pont-Saint-Esprit a été la proie de ce mal inexplicable qui a frappé près de 200 personnes. Des crises de folie hallucinatoires dues à la présence dans le pain de l'ergotine, le poison des céréales. On va pas en faire un fromage. Si le pain rendait fou, c'est peut-être parce qu'on y avait introduit une mixture à base de LSD. Cool. Et selon les Inrocks, il pourrait s'agir d'une expérience secrète menée par les services américains en pleine guerre froide. Ah, c'est pas joli, joli! En tout cas, un homme de 71 ans se souvient de l'affaire du pain maudit. Je tiens à dire que je ne me shoote plus la gueule à l'acide et que je ne fume plus de PCP. Tiens, il y a autre chose qui est vraiment incroyable. Ce coup que la perfide Albion porte à notre fierté nationale. Oh non, non, elle va pas le faire. Non, elle va pas le faire. Figurez-vous qu'ils le font. Elle le fait. Mieux que nous. T'es malade, tu racontes n'importe quoi. Selon ce sondage franco-britannique. Non, mais faites la terre, faites la terre. Plus souvent, plus longtemps, avec plus d'imagination. Ça, c'est la phrase la plus redoutable qu'une femme puisse prononcer. Oserais-je vous dire de quoi il s'agit ? C'est pas joli, joli, hein ? Ce qu'ils font mieux que nous, c'est cuisiner. Bon, c'est toast. L'OL qui élimine le Real Madrid sur sa pelouse, c'est quand même très chic. Alors ce passage, c'est pour les gonzesses. Qu'elles voient bien que moi aussi, si je veux, je peux être très sensible. Un partout, mais à l'aller, sur leur terrain, les Lyonnais avaient gagné 1-0. Tu sais super bien compter, toi. Tu dois être super bon en maths. Les voilà donc propulsés en quart de finale de la plus prestigieuse des Coupes d'Europe. Je comprends rien. Lyon décroche ainsi son exploit, l'exploit qu'il attendait depuis longtemps et qui le fait entrer dans le club des clubs fermés qui ont terrassé un grand d'Europe. On leur file des crèmes et des lotions gratuites. De la haute couture. Un peu comme Saint-Etienne l'avait fait avec Kiev dans les années 70. Sérieux, t'es pas habillé en vert là ? Bref, de quoi rendre fier tout le staff lyonnais et fou de joie tous les supporters. C'est de loin ce qu'on a de plus épique à se mettre sous la dent. Pour être honnête, moi je ne croyais pas à la victoire de Lyon. Maintenant, bon, je pense que pour une fois qu'ils battent un gros, entre guillemets, surtout en huitième de finale, donc c'est une nouvelle qualification en quart de finale. Maintenant, bon, tout ce qu'on peut leur souhaiter, c'est qu'ils aillent au bout. Bon, parfait. Dans ce cas-là, vous pouvez continuer. Et pendant ce temps, dans l'autre huitième de finale de la Ligue des Champions, Manchester United ne faisait qu'une bouchée de l'AC Milan, battu 4-0. C'était en Angleterre. Ça me fait une belle jambe. Des sacristies de province au Vatican. Oh, c'est pas vrai. Toute une série d'affaires. Non, non, non, non. La plus tragique, les prêtres pédophiles. J'en étais sûr. Parmi les églises chrétiennes, l'église catholique est plus touchée que les autres. C'est une conversion structurelle qui s'impose, une culture cléricale qu'il faut changer, autre conception de l'autorité, fin de la culture du secret. Croyez-vous que ce soit le moment de plaisanter ? Benoît XVI a fait une partie du travail en plaidant pour la tolérance zéro et la prise de parole. On attend du pape une lettre aux catholiques d'Irlande qui pourrait en fait s'adresser à l'ensemble de l'église. Mais même si aujourd'hui aucun miracle n'a lieu, il ne faut pas désespérer. Laissez venir à moi les petits enfants, car je vous le dis, celui qui n'accueille pas le royaume de Dieu à la manière d'un enfant n'y entrera pas. Ce sont ici les belles paroles de Jésus à ses apôtres, mais très mal interprétées par quelques prêtres, pas tous bien entendu, quelques brebis galeuses, qui ont cru sans doute que le Christ faisait ici l'éloge de la pédophilie. Résultat, l'Église catholique traverse en ce moment une très mauvaise passe, puisque ça craque de partout et chaque jour on apprend combien il est parfois dangereux pour un môme de fréquenter un abbé. Désormais, l'image de l'Église est maculée et sache que le Tout-Puissant n'est franchement pas content. D'ailleurs, devant cette situation d'urgence, figure-toi que le pape a été convoqué par le grand patron mercredi dernier et sois certain que Dieu le Père était très colère. Tu te fous de la gueule de qui, là ? Pardon ? Tu le crois où, vieux ? Attention, camarade. Hein. Ici, les règles du jeu sont claires. Moi, je suis ici pour faire marcher une équipe. Je vous déniche les secteurs et vous, vous me débusquez le client. Mais si tu ne joues pas avec moi, tu joues contre moi. Et à ce petit jeu-là, laisse-moi te dire que tu ne pars pas gagnant. Mais j'ai démarché pourtant. T'as rien foutu ! Je ne te fous pas de ma gueule, ok ? Et j'aime pas les tirs au flanc. Tu vas ranger ta honte en poche et tu vas te battre. Sinon, tu te casses, ok ? Oui, devant Dieu le Père, le Benoît XVI a pris cher. Car les conséquences de cette pédophilie apostolique sont évidemment catastrophiques pour l'image et le business de l'Église. Aussi, il faut agir vite pour redorer le blason de ce catholicisme souillé. Du coup, à l'approche des fêtes de Pâques, Dieu a convoqué un conseil d'administration extraordinaire afin que ses plus proches collaborateurs offrent à Ben Sixtine quelques précieux conseils marketing. Ainsi, mercredi dernier, c'est Saint-Pierre qui a parlé le premier et il s'est directement adressé à Dieu pour lui faire part de quelques remarques. Je trouve qu'à l'heure actuelle, les papes sont toujours partis par Mons et par Vaux, toujours en voyage, toujours partout. Hein, ils devraient rester chez eux, c'est ça que je trouve. Tout le temps parti, c'est ça. Vous regardez, le pape là, tout le temps, en Roumanie, en Amérique, en Afrique. En Afrique, on se donne. C'est ça, c'est ça qui est pas logique. Puis, au moins, vous restez chez vous, C'est vrai, vous faites votre petit furishti à la maison, vous restez chez vous. Vous haranguez pas les foules tout le temps. Vous n'êtes pas en place Saint-Pierre à haranguer les foules. Bon, bah, dis chapeau. Dieu acquiesça volontiers. Mais il ajouta aussitôt qu'une plus grande modestie du pape n'aiderait en rien à tourner cette page sordide de la pédophilie de certains prêtres. Il faut penser à moderniser l'Église, nom de Dieu. Pardon. C'est alors que le vieux curé de Cucugnan, lui aussi présent à ce brainstorming céleste, proposa une petite réforme. Cela dit, Benoît XVI fut très surpris par son idée. Vous devriez être plus traditionnaliste. Or, vous êtes, vous, pour le mariage des prêtres. Oui, parce que j'y pense depuis longtemps. Ah, vous songez à vous marier. Non, mais je suis à même de connaître les angoisses, les doutes, les problèmes qui assaillent le prêtre rural, le curé de campagne, comme on dit, qui, le soir dans sa cure, se sent bien seul et ressent bien souvent le besoin de se reposer sur une compagne. Et vous, mon père ? Mais je ne suis pas du tout d'accord. Donc, je pense que le célibat est la condition sine qua non de la tranquillité, de la sérénité du prêtre. Et je crois que vous n'exercez pas votre ministère dans les mêmes conditions que votre confrère. Vous n'êtes pas curé de campagne. Non, je suis dans l'enseignement. J'enseigne la musique. Où ça ? Dans un collège de jeunes filles, à côté de Saint-Tropez. Et le besoin de former un couple chrétien uni ne s'est jamais manifesté ? Non. En effet, saint Thomas d'Aquin enseigne la musique à Saint-Tropez désormais. Cela dit, attention, mon vieux. Les jeunes filles, tout ça, là. C'est terminé, maintenant, lui a ordonné Dieu. Tu vas me trouver autre chose et vite fait. Quant au mariage des prêtres, Dieu a dit non. Attends, quand tu vois la belle fille que lui a ramenée Jésus, merci, hein. Une vraie... Enfin bref. Non, faut trouver autre chose. Quand soudain, Marie-Madeleine, justement, tape du poing sur la table. Car elle sait, soutenue par les anges, ce qu'il faut faire pour moderniser l'Église. L'Église est coupable de l'oppression qui s'exerce sur les travailleurs. Liée au pouvoir fasciste, militariste et capitaliste, elle jouit de privilèges dont le peuple est privé. Nous la voulons pauvre, du côté des pauvres et des opprimés, libre sur le plan du culte, dynamique, à l'avant-garde de la promotion humaine. Qu'elle s'incarne dans l'histoire, dans la marche et dans l'effort des travailleurs du pays. Non mais ça va pas. Tu vas te calmer, oui ? C'est emporté Dieu le Père. Et puis quoi encore ? Tu nous vois marxistes, Marie-Madeleine ? Après tout le mal qu'ils nous ont fait ? Attends, ça dépend, ajouta Saint-François d'Assise. Y a pas que du faux dans ce que vient de dire Marie-Madeleine, merde. Bon, toi, le gauchiste, là, tu te calmes, tu te tais. et tu laisses la parole à Jésus, qui, lui, a proposé à Benoît XVI de jouer la carte de l'humour pour moderniser l'Église catholique. Après tout, ça marche très bien en ce moment, la déconne. Et à ses yeux, il faut commencer par réformer la liturgie dominicale. D'ailleurs, Jésus a pris un exemple très concret pour offrir sa nouvelle version du sermon. C'est l'histoire d'un jeune prêtre qui vient prêcher pour la première fois. Alors il a choisi comme thème de son sermon le miracle de la multiplication des pains et des poissons. Il est tellement ému à l'idée de prendre la parole en public qu'à la fin de son sermon, il se trompe et il termine en disant « Et c'est ainsi, mes très chers frères, que Jésus put nourrir 7 personnes avec plusieurs milliers de pains et de poissons. » Alors il y a un fidèle qui se lève, qui fait 7 personnes avec plusieurs milliers de pains et de poissons. C'est pas bien sorcier, ça, moi j'en aurais fait autant. Alors, il y a le prêtre qui se rend compte que c'est fichu dedans, il se dit le dimanche d'après, faut absolument que j'arrange le coup. Le dimanche suivant, il remet le même sermon, et il termine en disant cette fois-ci, et c'est ainsi, mes très chers frères, que Jésus put nourrir plusieurs milliers de personnes avec seulement 7 pains et 7 poissons. Et il se penche vers le même fidèle et il fait, et là, vous en auriez fait autant? Et l'autre fait, oui, avec les restes de la semaine dernière. Dieu fut consterné par l'esprit potache de son fils et décida aussitôt de mettre un terme à ce stupide brainstorming sans avoir néanmoins offert une solution au pape pour moderniser l'Église. Enfin, après tout, Dieu lui a rappelé qu'un pape est aussi élu pour ça et qu'il a intérêt à lui trouver quelque chose avant la fin de la semaine, sinon c'est terminé. De retour sur Terre, apeuré par cette menace divine, Ben XVI convoqua immédiatement le Sacré Collège afin de trouver le meilleur moyen de rendre l'Église plus glamour. Eh bien, figure-toi qu'après avoir passé 48 heures à buller en compagnie des cardinaux, le pape a enfin trouvé la solution. C'est ainsi qu'hier matin, au Vatican, le vicaire du Christ a tenu une conférence de presse. Nous savons ce que la majorité et les médias font de l'Église catholique. À leurs yeux, on est passéiste, archaïque, on est gâteux. Tout le monde croit la Bible obscure et même oiseuse. Pour couper court à ces critiques, notre Église aborde cette année avec un esprit de renouveau, pour notre foi et notre style. Par exemple, regardez, illettré, pop, le pote Christ. Mais alors, quelle est cette idée géniale qui va enfin rendre pop et glam rock le christianisme? Eh bien, la curie romaine a choisi d'affronter les problèmes en face. Et plutôt que de chercher à les dissimuler, les gros soucis du moment, là, ils ont décidé de les exploiter différemment, d'en faire leur force. Résultat, hier matin, devant la presse italienne, le Vatican a offert une bande-annonce d'un film à venir et qui doit changer l'image de l'Église. Mais sincèrement, il n'est pas certain que Dieu le Père soit totalement convaincu. Après Inglorious Bastard de Quentin Tarantino, l'histoire d'un officier qui recrute le pire ramassis de salopards pour défier le Troisième Reich. Découvrez un autre film en préparation. L'histoire d'un pape qui recrute le pire ramassis d'évêques de tous les temps. Je l'affirme haut et fort. Vous êtes digne de faire partie de l'armée du Seigneur. Avec le négationniste. Il y a eu des morts à Auschwitz, mais certainement pas dans les chaux à gaz. Le pédophile. C'était juste de l'amour entre deux êtres consentants. L'intégriste. Arrachons les tétons des avorteurs au fer rouge et brûlons-les en place publique. Ce que vous avez fait avant ne m'intéresse pas. Ce que vous faites en dehors de vos heures de service ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est de savoir si vous êtes prêts à défendre nos traditions contre les infidèles. Ouais ! Une glorieuse catho. Ils vont vous faire croire en Dieu. She said, hello, mister. Pleased to meet you. I wanna hold her. I wanna kiss her. Yeah. Big Jet Plane. C'est le moyen de locomotion préféré des Australiens Angus et Julia Stone. Allez, bon voyage à eux. Mesdames et messieurs, si votre commandant de bord, nous sommes heureux d'accueillir aujourd'hui Jean-Luc Delarue. Welcome to Jean-Luc to the flight. Big, oh puta de merda. Be careful, avis a los membros d'equipas. Per de menotas para saisir el hombre, because morda, croc croc, tu hôtesse. Be careful, pense aux portes, armement de toboggan, vérifiez les vis-à-vis. Alors maintenant, à 11h27, il est temps pour nous de faire escale dans les sous-sols obscurs et sinueux de l'INA, où, cette semaine, les voix des fantômes de la radiodiffusion française ont été encerclées, dis donc. Eh oui, tu n'es pas sans ignorer qu'aujourd'hui, nous sommes le 14 mars, autrement dit, le 14e jour du 3e mois de l'année que l'on peut noter de manière abrégée par 14-3. Et chez nos amis anglo-saxons, qui placent les mois avant les jours quand ils écrivent les dates, cela donne 3-14. 3-14, évidemment, c'est le Pi Day. L'occasion rêvée pour quelques grands bretons et quelques fougueux ricains de se régaler de pies, les tartes en anglais, et de réciter quelques centaines de milliers de décimales de ce chiffre fascinant. Ainsi, écoutons ce problème mathématique que nous rapporte notre Bernard l'ermite planqué dans sa boîte d'archives. Tends bien l'oreille et découvre ici la vie parallèle de l'Institut National de l'Audiovisuel. Des révélations, des hypothèses. Un Bernard l'ermite. Qui demande la parole ? Cette semaine, à l'INA, nous étions encerclés. Pas moyen d'échapper à l'exercice de maths que le prof nous avait donné. Calculer la surface d'une boîte d'archives, précisément et sans rature. Alors jeudi soir, au cours d'une cérémonie pas très catholique, nous avons invoqué Pi. Pi sur 2, c'est le produit infini de 2 sur 1 par 2 sur 3, 4 sur 3, 4 sur 5, 6 sur 5, 6 sur 7, 8 sur 7, etc. Et Pi est apparu. Monsieur Dubreuil, voici le moment de saluer l'apparition du nombre Pi, qui plus encore que la quadrature du cercle sera la vedette de notre entretien. Il faut noter que c'est en Orient, aux Indes et en Chine, que se réalisent les progrès les plus remarquables. L'hindou Aryabhatta donne pour le nombre pi la valeur approchée classique 3,1416, 500 ans après Jésus-Christ. Un astronome chinois, Tzu Chung-Chi, donne une valeur bien mieux approchée, 3, 14, 15, 9, 2, 6, à peu près à la même époque. En Europe, c'est au XVIIe siècle que Snellius et Huygens lancent une idée nouvelle. Il y a dans tout cela des progrès très appréciables, mais qui ne suffisaient pas pour établir la possibilité ou l'impossibilité de la quadrature du cercle. Pi n'avait l'air de rien, mais à ce qu'on disait, il habitait dans un palais. Les visiteurs du Palais de la Découverte ont vu dans une salle consacrée aux mathématiques que le nombre pi, 3, 14, 16, avait été poussé jusqu'à un certain nombre de décimales, déjà, je crois, par un curieux, jusqu'à oui, 707 décimales. Il y a un calcul qui a été fait jusqu'à 707 décimales. Ces 707 décimales sont au Palais de la Découverte. Il a mis 30 ans de sa vie pour arriver à ce résultat. Le même calcul a été fait avec l'ordinateur 704, et pour calculer les 707 décimales, il faut 40 secondes, au lieu de 30 ans. Les disciples de Pi sont si nombreux que même le photographe Henri Cartier-Bresson en fait partie. Le rythme est important et le silence. Demandez aux mathématiciens qu'est-ce que c'est que zéro. Pour moi, il y a pi. 3, 14, 116, 1, 618. C'est le nombre, c'est le rythme, c'est la vie, quoi. Pour moi, il n'y a pas Dieu, mais il y a pi. Je ne suis pas mathématicien, mais ça me préoccupe beaucoup. Pi est partout, tout le temps. C'est Hubert Reeves qui nous l'a dit. Mais alors, il y a des nombres sans dimension. Alors, il y a des nombres sans dimension qui, eux, sont très importants. Et le nombre, le cas classique, c'est le pi, le fameux pi 3, 14, 16, c'est-à-dire le rapport de la circonférence sur le diamètre. Alors, vous savez que quand vous prenez un cercle, que vous mesuriez son diamètre et sa circonférence en centimètres, en kilomètres, en milles ou en années-lumière, ça n'a aucune espèce d'importance. Le rapport de la circonférence sur le diamètre est toujours de pi. C'est ce qu'on appelle un nombre pur ou un nombre sans dimension. Ce qu'on ne dit pas, c'est que parfois, pi peut nuire à la jeunesse. Pour terminer ce journal, je voudrais vous faire part d'un record idiot. Le record du nombre pi, vous savez, cette formule magique qui permet de trouver la surface d'un cercle. Il appartient maintenant à un Canadien de 17 ans, Luc Lapointe, qui a récité de mémoire les 8750 premiers chiffres qui suivent la virgule. Pour vous comme pour moi, pi restera 3,14 et ça suffit largement. Du coup, on s'est arrêté là. On a laissé les boîtes d'archives et on est passé à l'exercice suivant. Et maintenant, un petit exercice de mathématiques Shadow. Si un shaddock courant le long d'une ligne de premier choix parcourt 10 shaddock mètres à l'heure, combien mettra-t-il de temps pour parcourir 11 shaddock mètres ? Eh bien, il mettra un temps infini. Les 11 shaddock mètres, il ne les parcourra jamais parce que le shaddock qu'on vous a montré, malheureusement, au bout de 10 shaddock mètres, il tombe complètement épuisé. Merci beaucoup, Flora Bernard, d'avoir tenté pour nous de résoudre la quadrature du cercle qui nous fait passer en l'espace d'une virgule sonore des sous-sols obscurs et sinueux de l'INA à nos actualités locales et ensoleillées, car il est l'heure, bien sûr, de rejoindre Crouboule-les-Bains. Monique est amnésique. Monique. Comment vous appelez-vous, vous ? Jean-Claude. Ça vous va, c'est fou. Alors maintenant, toujours en direct du Manchin Palace à 11h33, orientons-nous vers Crouboule-les-Bains, donc, où nous attendent Jean-Claude, le bulletin, et Monique dans l'urne, car cette semaine, nos fabuleux héros du quotidien ont connu l'incompréhension entre les générations. Tout ça à cause d'une malheureuse question d'orientation, en l'occurrence celle de Rémi, le fils de la famille. Tout a commencé samedi soir quand Rémi est encore sorti le soir pour faire la fiesta. Bon, bien sûr, il a respecté avec rigueur le diktat horaire imposé par son daron. Cependant, Jean-Claude reste tout de même assez perplexe. Pourquoi son fils a-t-il autant besoin de sortir ? Ne vaudrait-il pas mieux qu'il travaille plus pour espérer plus tard décrocher un bon boulot ? Lorsque Jean-Claude demande à son fils ce qu'il compte faire de son avenir, il comprend soudain l'ampleur de la conscience adolescente sur les promesses que notre société lui offre. Qui dit études dit travail, qui dit taf te dit les thunes, qui dit argent dit dépenses, qui dit crédit dit créance, qui dit dette te dit huissier, lui dit assis dans la merde, qui dit amour dit les gosses, dit toujours et dit divorce, qui dit proche te dit deuil car les problèmes ne viennent pas seuls, qui dit crise te dit monde, dit famine dit tiers-monde, qui dit fatigue dit réveil, encore sourd de la veille, alors on sort pour oublier tous les problèmes, alors on danse. Voici donc la raison pour laquelle Rémi aime tant sortir. Un légitime abandon d'ambition qui, pour Jean-Claude, peut se guérir par une visite chez un bon conseiller d'orientation qui va montrer à Rémi que l'avenir professionnel pour la jeunesse est plein de promesses. Bon, il faut juste faire des sacrifices et être flexible. Ainsi, Jean-Claude présente à Rémi le spécialiste de la promotion des métiers d'avenir. Après l'extraordinaire tisseur de fil d'or et d'argent d'hier, place aujourd'hui un maître bottier. Maître d'arbre, ça signifie qu'il a pour mission, comme les autres, de transmettre son extraordinaire savoir-faire. Alors on danse. Et là tu dis que c'est fini, car pire que ça, ce serait la mort. Quand tu crois enfin que tu t'en sors, quand il n'y en a plus, eh ben il y en a encore. Encore beaucoup de passion. Les maîtres d'art, que les Japonais appellent, vous le savez, les trésors vivants, et ils nous les envient souvent. Demain, on continue avec une feutrière, maître d'art, qui crée ses tissus. Oui, c'est très beau, l'artisanat d'art. C'est noble et majestueux, mais ce n'est pas ça qui va donner du boulot aux générations qui arrivent chaque année dans un monde du travail de plus en plus féroce. Alors, face au manque de bonne volonté de son fils Rémi, toujours critique, ces jeunes, Jean-Claude s'énerve et lui annonce que s'il ne dégote pas par lui-même une orientation professionnelle, eh bien lui, Jean-Claude, il va la lui trouver. On va t'utiliser pour des crash tests, on va te présenter à des derviches tourneurs. On va bloquer ton compte, on va te dire les astres, on va détartrer tes dents. On va te saupoudrer de saccharine, on va encadrer des photos dans ton salon et on va t'appeler les urgences. Alors, qu'est-ce qu'on va faire de toi ? qu'est-ce que t'as dans la tête? Tu ne sais que danser, tu ne sais que rater ta vie. Rémi est abattu devant cette étroitesse d'esprit. Bien sûr qu'il est d'accord pour travailler, mais il explique à Jean-Claude que, d'après lui, réussir sa vie ne se résume pas à cumuler de l'électroménager high-tech sans avoir le temps de bouquiner tranquillement. Jean-Claude est un peu dépassé, car pour lui, nous avons atteint un haut degré de civilisation et d'ordre social. Et il l'explique à Rémi. Habilis l'Ancien tente d'organiser la répartition du travail. Partage des tâches, partage de la nourriture ou des outils, l'organisation du clan se perfectionne. La société des hommes, ses conflits et ses rivalités, est en train de naître. Rémi est sidéré par les certitudes débiles de son daron et il baisse les bras. Il accepte d'accompagner Jean-Claude au grand salon de l'orientation qui se tient cette semaine à Grosboul-les-Bains. Car tu ne vas pas le croire, mais Jean-Claude a accepté de suivre une nouvelle expérimentation pour faire des économies. Afin de remplacer les COPSI, les conseillers d'orientation psychologues, ce sont maintenant des volontaires qui vont s'occuper des conseils d'orientation. Et ce week-end, dans le lycée Amel Bent, c'est porte ouverte. Voilà, Rémi accompagne Jean-Claude, son daron, au salon de l'orientation destiné à la jeunesse grosboulaise et où Jean-Claude tient un stand pour présenter son parcours professionnel. Rémi lui a évidemment fait sa fossé compagnie pour aller au stand de l'école des Beaux-Arts, un stand bien encadré par des CRS et placé sous vidéosurveillance, tout comme les emplacements consacrés aux études d'histoire et de philo. De son côté, Jean-Claude attend le chaland, enfin le jeune, pour lui présenter son boulot. Bon, mais comme personne ne s'arrête, Jean-Claude alpague un jeune à capuche et lui demande son prénom. Ben, c'est Blaise. Alors comme ça, tu t'appelles Blaise ? Ouais, je m'appelle Blaise. Pourquoi, ça te plaît pas ? Non, oula, attends. Non, c'est juste que d'habitude, bon, enfin, souvent, les jeunes des cités ont des prénoms plus étrangers, tu vois. Ah ouais ? Comme quoi, par exemple ? Bah, je sais pas, moi, comme Boomer, Mousse... Attends, rassure-moi, là. À part à la télé, je suis pas quand même le premier noir que tu vois en vrai, quand même. Ah non, quand même. Ah non, quand je vais au centre commercial, il y a les vigiles. Mais c'est vrai que pour être tout à fait honnête, t'es le premier jeune des banlieues dites sensibles que je vois d'assez près. Bah c'est super. Ah ouais, c'est super. Ah ouais. Et quel effet ça te fait, hein? Oh bah total respectueux, hein. Tu sais qu'ici, je suis un des gars qui déchire le plus sa race, hein. Et en effet, Jean-Claude devient vite une attraction dans ce salon de l'orientation qui se tient à Grosboul. C'est assez incroyable d'ailleurs, mais peu à peu, de petits groupes juvéniles assez hilares viennent demander conseil à ce grand professionnel de la question d'orientation. Car par le passé, Jean-Claude s'est nourri de la pensée des plus grands pédagogues. Vous passiez un bac G, un bac à bon marché, dans un lycée poubelle, ouverture habituelle, des horizons bouchés. Votre question était, faut-il désespérer? Oh mais il va m'énerver ce mec, hein? Il va se prendre mon poing sur sa gueule! Oui, certains professionnels de l'orientation, les COPSI donc, vivent assez mal la présence de ce Gugus sur le salon. Pour être conseiller d'orientation, il faut une vraie formation. Et l'école a d'ailleurs besoin d'un recrutement conséquent de ses COPSI. Bon, de son côté, Rémi cherche sa voie professionnelle. Enfin, disons plutôt son chemin dans les méandres des procédures d'inscription qui vont lui permettre de poursuivre son parcours. Et franchement, ce n'est pas simple. Vous avez votre fiche d'inscription ? Je viens de la récupérer. Il n'y a rien qui est rempli, là. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse avec ça, moi, c'est... Mais je viens de la voir. Ils avaient perdu mon dossier, je suis obligé d'en remplir un autre. C'est ça. En attendant, vous êtes vraiment tous pareils, hein. Vous y prenez toujours au dernier moment pour remplir des dossiers qui demandent des papiers qui non, viennent de... Je l'avais fait, mais ils ont perdu mon dossier. C'est quand même pas de ma faute s'ils paument les dossiers. Je voulais juste savoir c'est quoi les autres papiers dont j'ai besoin pour le dossier, qu'il soit complet. Ouais, bon alors, c'est pas compliqué, ça vous devriez le savoir, c'est sur la petite fiche qu'elle est avec le dossier, hein. Oui, bah faites pas... D'accord. Donc vous me remplissez tous ces papiers-là, et puis les autres choses, ben, comme tous les dossiers, il faut un CV, une lettre de motivation, ben, toutes ces choses-là, et puis voilà. Tout ça. Bien. Rémi va devoir remplir à nouveau son dossier d'inscription. La construction d'une orientation professionnelle, c'est un casse-tête sans nom pour toute la jeunesse, mais également pour les parents. Sauf s'ils ont la chance d'avoir dans leur entourage un conseiller d'orientation digne de Jean-Claude. Alors, mon petit pote, qu'est-ce que tu veux faire pour ton avenir? Hein? Médecin? T'es malade? Ah, tu veux devenir médecin? Oh, c'est mignon. Ben, la seule manière pour toi d'entrer dans le monde du médecinat, c'est de te faire opérer des amygdales, excuse-moi. Hein? Non, mais arrête tes conneries, là. Bon, ça va, je peux déconner. Qui c'est qui a commencé à déconner avec ces conneries de médecin, là? Moi, je te parle de ton avenir. Qu'est-ce que tu veux faire plus tard? Hein? Astronaute? Astronaute, qui dit? Tu me diras, ils ont envoyé des singes, hein? Pourquoi pas de... Non, mais arrête, là, arrête. Va falloir redescendre, mon con. Astronaute. Non, mais moi, je te parle de ton avenir. Je te propose quelque chose qui va te permettre de grailler, mon con. Arrête, arrête, arrête. Écoute-moi bien. T'as aucune chance. Alors saisis-la. Bien. Alors, il ne faut jamais oublier que la sacro-sainte méritocratie républicaine n'est valable uniquement si l'égalité des chances est respectée. Sinon, c'est une aristocratie perpétuelle. Enfin bon, nous sommes toujours en direct du Mangin Palace et à 11h43, il est temps désormais de retrouver notre petit reportage Made in Panique. Et ce matin, dans le dictionnaire imaginaire de Monsieur Julien Dugast, le mot qui compte triple contient une dimension à la fois climatique et eschatologique, le déluge. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'en ce moment, après cet effroyable séisme en Haïti ou cette tempête meurtrière en France, il est évident de constater que les éléments naturels se déchaînent violemment. Mais plutôt que d'y voir une quelconque et grotesque manifestation divine, notre facétieux reporter a préféré jeter un coup d'œil dans le rétroviseur en compagnie d'une véritable star internationale, membre du Collège de France, l'historien spécialiste du climat Emmanuel Leroy-Ladurie, que nous sommes très fiers d'accueillir ici. Alors, découvrons ensemble, juste après la virgule, ce qu'ont parfois provoqué dans l'histoire certains déluges. Avec les lettres W, Q et T, je forme le mot Wacketum. Trois consonnes, trois voyelles, déluge. Eh bien, un déluge, en principe, c'est un événement biblique qui, du reste, remonte à Babylone, puisque les Hébreux l'ont repris de légendes mythes babyloniens, et peut-être d'une invasion de la mer Noire par les eaux de la Méditerranée, ça, on n'en sait rien. Sinon, ben, c'est soit un déluge de pluie, évidemment, soit une... On l'emploie plutôt pour un déluge de pluie, me semble, alors qu'on devrait l'employer surtout pour des inondations. Enfin, dans le déluge biblique, c'est effectivement beaucoup de pluie. Des grenouilles qui tombent du ciel. Comment vous vous êtes dit, c'est important pour notre histoire de s'intéresser au climat, parce qu'on comprend pourquoi un historien va s'intéresser à Napoléon, à telle période historique, mais pourquoi un historien s'intéresse à la météo? Ben parce que d'abord les famines, c'était autrefois, maintenant ça n'est plus bien important, mais... Et puis en fait, d'abord, c'est mon maître Fernand Braudel, le premier, qui a, parmi les historiens, car des physiciens et autres, météorologistes, ils s'y sont intéressés, qui, le premier, a noté l'avance des glaciers alpins à la fin du XVIe siècle. Et il pensait que ça pouvait être une contribution à quelque chose qu'on n'a jamais bien défini, qui s'appelait la crise du XVIIe siècle. Comme j'étais son élève, j'ai suivi. Et je voulais expliquer les grandes crises du XVIIe siècle. Bon, je ne suis peut-être pas tellement arrivé, mais en revanche... L'histoire du passé est tissée de grandes famines, et en principe, sauf si c'est une guerre épouvantable, ça vient dans la moitié nord de la France, toujours pareil, de ce qu'il a trop plu pendant l'été, qu'il a fait trop froid pendant l'hiver, ou parfois trop sec. Bon, ce sont les trois raisons. Et tout de même, vous avez quand même une famine extrême. Enfin, quand il y avait 20 millions de Français, autant en fin de Louis XIV, vous avez une famine à 1 300 000 morts. Donc c'est bien pire que la guerre de 14, si vous voulez. Bonsoir. à ma boutonnière ce soir un Myosotis ampelopsis allopticus de la famille des Garbitacées. Autrement dit, un pissenlit. Eh bien, qu'est-ce que notre fleur va augurer pour notre climat hexagonal de demain? C'est ce que nous allons savoir tout de suite en nous retournant vers la carte qu'il faut étudier avec prudence et circonspection. Prenez des événements comme la grande crise protestante des Pays-Bas en 1500, je sais plus combien, 66, je crois, oui, c'est ça, ou la Ligue parisienne de 1588, ou même la Révolution française, ou la Révolution de 1830, ou la Révolution de 1848. Bon, elles ont mille causes qui n'ont rien à voir avec le climat. Mais il est vrai que très souvent, un an avant peut-être, ou un an et demi, ou six mois avant, il y a une crise de subsistance, plus ou moins violente. Et alors les gens sont dans la rue, puis à force d'être dans la rue, rappelez-vous, je me rappelle l'époque Juppé, c'était très différent. Enfin, c'était plutôt des gens des services publics, des fonctionnaires, mais là c'est tout à fait différent. À force d'être dans la rue, parfois ça peut dégénérer en révolution. Sans vouloir être indiscrète, votre visage m'est familier. Ben, ça ne m'étonne pas, je suis Gilbert Sedman. Comment monsieur est vedette à la télévision? Ah bon? Dans quelle émission? Je fais la météo au journal. Enfin, sans vouloir me vanter, je fais la pluie et le beau temps à la télévision. En faisant un raccourci, du coup, le climat a abouti à certaines révolutions. En tout cas, c'est l'une des causes. Il y en a bien d'autres. Je ne comprends pas l'OTAN. Te demande l'OTAN. Bon. Alors, écoutez-moi, camarade, la culture et la météorologie ne sont pas incompatibles. Ouais, et mon coup de boule, ça va être incompatible? Coup de boule vient du latin coup de boulus. Et... Alors, quant à moi, je prends mes 3T et mes 3X, ce qui donne le mot... Pas l'animal aquatique nocturne. Oui. Oui. Bien. Emmanuel Leroy Ladurie nous apprend que les déluges peuvent en partie provoquer des révolutions. Mais il sait aussi très bien qu'une grosse averse peut également mettre fin à une manif, voire à une révolte populaire. En revanche, pour prévoir le temps qu'il fera demain, Monsieur Leroy Ladurie est beaucoup moins fort que notre Joël Collado, toujours dispo pour un point météo. Vous me faites un petit point météo sur mon week-end, là, parce que je suis un peu dans le flou. Tout à fait. S'il vous plaît. Alors, nous enregistrons actuellement, oui, dans la partie sud du pays, des températures en dessous des normales saisonnières, d'accord, avec ici une forte dépression dans la région de votre domicile qui vous donne le blues. Donc, samedi matin, vous décidez de vous casser à la campagne. Oui. Vous aurez un temps maussade qui vous suivra tout au long de la route jusqu'au milieu du trajet, avec à votre arrivée des éclaircies passagères qui alterneront avec des passages nuageux. Bien, vous croyez que je pourrais sortir mon barbecue quand même? Aucun problème, la situation devrait s'améliorer rapidement. Vous pourrez faire griller les chipolatas que vous aimez tant et vous effondrer lamentablement dans l'herbe, comme d'habitude, sur les coups de 3-4 heures en costume chaussette. Excellent. Sinon, je me tape votre femme tous les jeudis à 18h à l'hôtel Excelsior. Je savais pas comment vous le dire. Nous les referons ensemble, nous les referons ensemble. Demain, les vendanges de l'amour. Car la vie toujours rassemble, oui, la vie toujours rassemble, malgré tout ce qui se quitte un jour. Et le soleil du bel âge brillera après l'orage, un beau matin pour sécher nos pleurs. Et ta main comme une chaîne viendra se fondre à la mienne, enfin pour le pire et le meilleur. Referons ensemble, nous les referons ensemble, demain les vendanges de l'amour. Car je sais que tu ressembles, oui je sais que tu ressembles, comme deux gouttes d'eau à l'amour. Ma comparaison peut-être sur tes lèvres fera naître un sourire en guise de discours. Mais pourtant j'en suis certaine, ce soir autant que je t'aime, oui ce soir tu ressembles à l'amour. Ensemble, nous les referons ensemble, demain les vendanges de l'amour. Car la vie toujours rassemble, oui la vie toujours rassemble, malgré tout ce qui se quitte un jour. Et le soleil du bel âge brillera après l'orage, un beau matin pour sécher nos pleurs. Et ta main comme une chaîne viendra se fondre à la mienne, enfin pour le pire et le meilleur. La la la la la la la la. Les vendanges de l'amour sont celles que faisait en 1963 la divine Marie Laforêt, une récolte qui vieillit vraiment bien et à ne pas vider dans l'évier. Qu'est-ce que vous faites, hein? Bah, le ménage, quand on l'a demandé tout à l'heure. Dites-moi, c'était pas du luxe? Regardez ce que j'ai trouvé. Des vieilles bouteilles pleines de poussière. On voit même plus l'étiquette. Alors ça, c'est Bordeaux Grand Cru 1956. Encore une de périmé. Allez, on jette. Je m'occupais des bières parce qu'il y en a qui datent de 1600 et quelque chose. C'est n'importe quoi. Alors maintenant, à 11h52, nous retrouvons avec grand plaisir notre ami Xavier Mauduit, puisque la panique au Mangin Palace ouvre son petit kiosque à journaux sévèrement fourni. Allô Marcel. Ce que je reproche aux journaux, c'est de nous faire faire attention tous les jours à des choses insignifiantes, tandis que nous lisons 3 ou 4 fois dans notre vie les livres où il y a des choses essentielles. Mauduit, bonjour. Salut Colin. Alors, que nous offre la presse cette semaine, camarade? Eh bien Philippe, cette semaine, la presse nous rappelle que nous sommes encore de grands enfants. Commençons par le Républicain Lorrain, qui nous présente l'aventure d'un malheureux quidam du vingtaine d'années. Jamais vraiment sorti de l'enfance, il a voulu jouer aux gendarmes et aux voleurs dans un tabac-presse de Sarreguemines. Donc le type a voulu faire un braquage, il est entré dans le débit de tabac, il s'est placé devant la vendeuse et il a dit « donne-moi la caisse » tout en la menaçant avec une perceuse sans fil. Voilà, la vendeuse elle s'est marrée, elle dit « ah c'est une plaisanterie et tout ». Non, le type a mis en marche la perceuse. Alors bon, remarquez, c'est pas mal Philippe pour trouer la peau, une perceuse. Mais alors, pour être encore plus menaçant, d'un seul coup, il s'est couvert le visage d'un masque à souder. Ça aussi, c'est bien. Il faut être prudent quand on bricole. Alors, le patron du tabac-presse, un peu effrayé, a tout de même essayé de calmer le jeu et il a simulé un appel à la police. « Allô, monsieur le policier, c'est le patron du tabac-presse. On est attaqué à la perceuse. » Et bien, le voleur, il s'est enfui. Il a eu peur. Voilà, Philippe, ça, c'est tous les enfants. On leur offre des Smith & Wesson et des 357 Magnum qui coûtent la peau des fesses. Hein. Et bien, eux, ils préfèrent faire un braquage avec une perceuse sans fil. Voilà, c'est n'importe quoi. Alors, une autre info dans le même genre cette semaine, c'est une dépêche de l'AFP qui nous raconte l'histoire d'un autre quidam qui est toujours un peu en enfance. Bon, le rêve de ce môme-là, c'est d'être conducteur de bus. Voilà, oui, c'est comme ça. Il y en a qui veulent être pompiers, d'autres footballeurs, d'autres banquiers. Bon. Lui, sa passion, c'est le bus. Eh bien, en novembre dernier, ce type de 32 ans a volé et conduit à 4 reprises des bus entre la Seine-et-Marne et la Seine-Saint-Denis. Voilà. Alors, il est rentré dans un dépôt de bus, il a piqué un bus. Et il a effectué tranquille le parcours de ramassage des passagers jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'essence. Voilà, aucun blessé. Mais alors voilà, encore le problème des enfants avec leurs jouets, c'est qu'ils ne sont pas soigneux. 50 000 euros de dégradation. Ah oui. Ah oui, il était mauvais. Hein, mais tu te prends les trottoirs. Et les... Oui, t'es un peu nul quoi. Alors, eh ben, il vient d'être arrêté et l'examen psychiatrique a conclu à un comportement compulsif. Tout ça parce qu'il voulait, comme ça, aller jusqu'au bout de ses rêves d'enfant. Alors que d'autres grands enfants brisent régulièrement leurs jouets. Bah, les manias de la finance, hein, les banquiers et autres traders, et eux, on leur dit rien. Ouais, on a beau leur réparer leurs jouets spéculatifs à coups de milliards, c'est plus fort qu'eux, bah, ils recassent tout. Mais toujours, pareil. Alors, le quotidien Le Monde de vendredi fait le bilan. Pendant la crise, les dirigeants des banques françaises avaient assuré que c'en était fini, des bonus délirants, fini. Le montant des primes pour 2009 vient d'être dévoilé. 1,750 milliard d'euros de bonus pour les 7,750 traders français. C'est magnifique. C'est énorme, hein, environ 250 000 euros par moyenne, donc par bonhomme. En plus de leur salaire qui est déjà bien gras. Hein. Bravo les gars, c'est bien. Alors, la presse a un peu partout relevé une autre information, un paradoxe étonnant, la crise perdure. Mais alors, il y a plus de milliardaires cette année que par l'an passé. Hein. Bon, une bonne nouvelle. Hein. Alors Philippe, comment comprendre ce pullulement de milliardaires? Ben, j'ai cherché un élément de réponse dans le magazine spécialiste de la question, non pas Forbes ou Fortune, mais Picsou Magazine du mois de mars, qui nous offre en détail la généalogie de la famille Picsou. Ah, ah oui, alors bon, Balthazar Picsou est l'homme le plus riche du monde, nous dit-on. Il s'est donné beaucoup de mal pour gagner ses milliards et surtout pour les garder. Ça, vous avez compris, hein, la redistribution des richesses, c'est pas son truc. Alors, dans la famille Picsou, tous les ancêtres ont fait fortune, puis ont été ruinés. Kenneth Mac Picsou, au XVIIIe siècle, a fait fortune dans le commerce maritime, ruiné à cause d'un naufrage. Un autre que j'aime beaucoup, car son aventure est une jolie métaphore des temps présents, c'est Sir Duncan Mac Picsou, au XIe siècle. Le roi lui a donné un coffre rempli d'or, et pour protéger son trésor, Duncan Mac Picsou a construit un mur dans son château. et il s'est emmuré dedans et il est mort. Voilà. Philippe, les milliardaires d'aujourd'hui, de grands enfants qui jouent avec le feu, devraient lire les magazines pour gamins. Hein. Et oui. La morale est belle. Alors, Philippe, pour terminer, je me suis plongé dans la lecture du magazine Terre de Provence, qui consacre un numéro aux balades et randonnées. Et la première promenade proposée se passe en Ardèche. Alors, Philippe, pourquoi l'Ardèche ? Écoutez, sans doute déjà parce que la montagne est belle. Cette balade nous conduit autour des mégalithes de Saint-Marcel. C'est pas très loin d'Aumenas ou encore d'Entraigues-sur-Volanne, le pays d'adoption du mégalithe de la chanson qui vient de partir. Alors, Philippe, bon, ça sert à rien d'en faire des tonnes. Ferrat est parti à la panique. Nous, on s'étend pas trop sur ces choses-là. Ça nous a fichu un petit coup, hein. Ils sont pas nombreux les artistes constitutifs de tant de vie. Il y a ceux qui ont grandi avec lui. Il y a les mômes des 60s qui en croquaient pour lui avec le poing levé. Puis il y a ceux, comme moi, comme nous, qui ont eu Ferrat dans le biberon, du Potemkin dans la fosse Fatine Falière et la commune dans le jambon coquillette. Voilà, il nous manque déjà beaucoup dans cette jungle ou dans ce zoo. Bon voyage à lui, c'est clair Philippe, on ne guérit jamais vraiment de son enfance. Merci beaucoup, Monsieur Maudit, pour votre formidable revue de presse. Et à la semaine prochaine, puisque le kiosque referme ses portes. Voilà, fin du 196e épisode. Tout le monde descend. Faites gaffe de ne rien avoir oublié. Panique au Mangin Palace, c'est une émission coécrite, c'est les doigts dans la prise, avec le professeur Mauduit, un ami précieux que je remercie très chaleureusement. Au platine et à la réalisation, il y avait bien sûr ce matin le maestro H2M, Henri-Marc Mutel. Merci beaucoup Marco, assisté aujourd'hui à la technique de Claudine Lapersonne et d'Éric Morin. Merci beaucoup à vous deux, c'était parfait. Je remercie également Flora Bernard, Julien Dugast, Claire-Sophie Collet, Yvan Beaugelet, Elsa Denac. Pour les Scuds, on a l'inépuisable Thierry Dupin. Merci aussi à Olivier Lefayère pour ses idées complémentaires, ainsi qu'aux documentalistes de Lina et à Marie Bertin, notre stagiaire. Voilà, il y a également le site internet de Panique au Mangin Palace pour la balado-diffusion. La journée continue sur France Inter. Après le flash, vous retrouverez exceptionnellement Didier Varro pour une émission spéciale consacrée à notre ami Jean Ferrat. Allez, prenez soin de vous. On se retrouve dimanche prochain en direct, mais aussi samedi dans notre cellule de dégrisement à 11h sur France Inter avec de nouvelles aventures archi-loufoques et total foutraque, bien sûr. Mais en attendant, d'ici là, un double mot d'ordre. Allez voter et surtout, surtout, ne lâchez rien. Ciao. Jean Ferrat, si vous étiez à la tête d'une chaîne de télévision, vous permettriez aux faiseurs de tubes de passer? Je ne veux exclure personne. Il est impossible d'exclure qui que ce soit.